Voilà. Bonjour Rodrigue, bonjour Philippe, comment allez-vous tous les deux? Je vais bien, je vais bien. Tu vas bien? Oh. Depuis la... Bon, pour ma part, j'ai passé une mauvaise nuit, alors je suis un peu fatigué. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Ben, une nuit, en principe, on dort, mais là, j'ai pas bien dormi, donc il y a un manque à gagner, là. Bon. C'est des choses que je connais bien. Et... Ah, Claude, qu'est-ce que tu dis là? Eh ben oui, je suis insomniaque. Alors, quand tu te lèves, je m'endors. Non, non, mais ça te fait rire, mais moi, je rigole pas toujours, mais bon. Non, c'est pas facile, ça. C'est pas facile, mais bon, on s'habitue, comme le reste. Alors, comment va, les amis? La semaine a été bonne, le week-end plutôt. Je t'ai découvert, là, à un moment, je cherchais... je t'ai cherché sur Internet et je suis tombé sur le livre « Les Black Belair ». Il y a plusieurs anecdotes de ta vie qui apparemment sont sur Internet. J'ai plein de choses sur Internet depuis fort longtemps. Ouais. Mais... Monsieur le faiseur de sites web, c'est ça, t'es déclaré comme... Je vais arrêter ça parce que ça me vaut des... Je me suis amusé pendant un temps à faire des sites internet, voilà. Mais je crois que je vais arrêter maintenant. Amplement satisfait de nos discussions sur le jardin merveilleux qui embaume ma vie, quoi, et qui me suffisent largement. Oh. Magnifique. Alors, pour te faire plaisir, Philippe, j'avais essayé sur Skype de changer mon... fond d'écran. Alors maintenant, tu as remarqué que j'ai un fond d'écran beaucoup plus classique, mais oui. J'ai été faire avec Michaela quelques photos sur le port de Saint-Goustan et sur Auray, by night, et puis j'avais mis ça tout à l'heure, et puis en fin de compte, ça a disparu. Bon, voilà, mais je vais essayer de faire mieux pour la prochaine fois. Oui, l'important c'est ce que l'on partage. Alors c'est vrai que ça me plaît le fond en bois de Rodrigue finalement. Ah mais il est bien. C'est pas mal. C'est très très exotique par rapport à où on est là. Hein. En tout cas c'est. Oui. Non mais il est bien son fond. Comment ça va la Suisse? Ça va bien. Il fait encore assez froid. Il y a beaucoup de neige, mais ça va pour le reste. Ça va. Et cache pas, ça va beaucoup. Fait réfléchir la dernière séance. Et Philippe, merci pour tes messages. Je me suis beaucoup réjoui de vous parler aujourd'hui, de vous écouter. Parler ou d'écouter? Tu vas d'abord parler. Et puis, nous, à mon tour, Rodrigue, te de remercier pour ce petit livre que j'ai reçu. Et qui a commencé à me trotter dans la tête. Et je vais vérifier à sa lecture si ce parcours-là, à titre personnel, me convient. Je ne sais pas s'il est efficace, mais quelque chose qui a une certaine résonance en moi. Je ne sais pas. Mais donc il faut que j'avance dans la lecture et merci de m'en donner l'occasion et j'ai été très touché par cette charmante attention qui est arrivée par la poste il y a quelques jours, très peu, mais quelques jours. Oh, formidable, c'est rapide. C'est l'avoir envoyé, ça n'a aucune, il y a pas d'objectif, sauf que il y a des très belles choses dans ce petit livre, mais absolument pas. Je souhaiterais vous conseiller quoi que ce soit avec ce geste. Hein. C'est juste, c'est un petit livre très inspirant par quelqu'un qui fait un pèlerinage, qui cherche, mais finalement qui, vous allez voir, je ne sais pas si tu l'as lu, Philippe, mais il n'y a pas un bel objectif comme le jardin merveilleux. C'est un pèlerinage en fait tout à fait banal dans la vie de l'époque, en fait. Enfin, oui, non, moi, je n'ai pas commencé à le lire puisque je suis encore sur la fin du retour vers le merveilleux, qui est quand même assez dense. Donc j'avance en général d'un demi-chapitre en demi-chapitre avec ce livre. Et comme ça fait déjà pas mal réfléchir, je ne me charge pas trop la tête avec autre chose, quoi. Excellent. Donc il est à la suite, quoi. Il n'y a plus qu'à... Il est à la file à un mètre de distance. Ah, très bien, très bien. À un mètre de distance, tu as un mètre de lecture avant d'arriver... Non, je l'ai mis à un mètre du précédent parce qu'on est dans les règles de protection coronavirienne. Quand on est trop les uns sur les autres, finalement... Ouais, tu veux pas que ce livre vienne te contaminer. Mais ça peut être une douce contamination, quoique je pense que les ICAS m'a l'air sévère. Mais je nous en parlerai. Nous en parlerons. Oh, excellent, excellent. Bon, alors, qui commence? Moi, j'ai peu de choses à dire là-dessus, puisque j'ai eu pas mal de difficultés à me libérer pour repenser tout ça, comme on est en train de préparer une petite rencontre familiale que ma fille, je vais la chercher demain, je la ramène après-demain. Enfin, il y a beaucoup de choses à préparer. Donc, ça remue un peu. Et quand j'ai pas envie de me remuer, j'ai Sylvie qui me remue. Donc finalement, c'est difficile de se poser. Bon. Oui. Alors pour ma part, moi, je vais être honnête, j'ai pas travaillé sur la notion de mode d'emploi, sachant que la fois dernière, je vous ai délivré mon mode d'emploi, et qui consiste essentiellement à une attitude à la fois philosophique, à la fois religieuse, à la fois de recherche et d'ouverture. Et c'est pour ça que je pense qu'il serait bien, puisque c'est Philippe qui nous a donné Philippe Rodrigue qui nous a donné le thème du cheminement vers le jardin de merveilleux, mode d'emploi. Bon, alors il a exprimé le souhait d'avoir un mode d'emploi. Alors je pense qu'on va d'abord l'écouter et puis on va voir comment on peut l'aider à sortir quelques cheminements de réflexion et à le mettre sur la rectitude que nous devons avoir sur ce chemin. Et je pense que ça serait bien qu'il commence. Et puis, ben, Philippe et moi, ben, on va venir habiller tout ça, si tu le permets, par petites touches, un peu comme les impressionnistes qui donnent un vrai sens à leur œuvre, mais que par petites touches. Avec plaisir. Allez, on t'écoute. Je serai bref, puisque je suis aussi très curieux de t'écouter tout ce que... À quoi tu as pensé, Philippe? Mais il y a deux volets, j'ai beaucoup réfléchi. Il y a le côté de l'inspiration pour ce pèlerinage, si j'ose dire. Et ce petit livre, récit d'un pèlerin russe, est intéressant puisque c'est très motivant. Bon, c'est dans notre époque, notre région, mais il y a beaucoup de vrai et beaucoup de très beau là-dedans. Pas vraiment de pratique pour notre période de vie, notre civilisation, notre siècle, etc. Mais il y a pas mal de choses qui sont inspirantes. Et alors, je me suis dit, mais ne me riez pas au nez, je me suis dit, mode d'emploi, c'est quelque chose de très pragmatique, peut-être trop pragmatique. Et... J'aimerais vous suggérer d'utiliser la méthodologie de pensée et d'action comme je l'ai appris, qui est utilisée souvent dans le monde des entreprises, mais aussi à l'armée, à gauche, à droite, qui consiste à dire qu'il faut une petite méthodologie avant de parler de mode d'emploi. Mode d'emploi veut déjà dire qu'on est d'accord sur tout ce qui entoure ce mode d'emploi. Mais évidemment, il y a les objectifs, il y a la méthode, les moyens, il y a des aspects à quoi on doit réfléchir avant de se dire « Ok, on va dans telle et telle direction et maintenant on va un peu plus dans le concret ». Ça peut aller à une assemblée générale de l'association pour faire le tour de tout le monde. Enfin, donc, dans le sens large, la méthodologie comme je la vois devant moi, qui est, et que vous connaissez certainement, mais sous une autre forme, c'est la première question, c'est la définition. De quoi s'agit-il, en fait? De quoi s'agit-il définir de... Enfin, décrire de ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit. Ensuite, le deuxième point, c'est quel est le but, quel est l'objectif. De préférence, un objectif, mais ça peut être un ou deux ou trois combinés. C'est presque la partie la plus difficile de piocher, de trouver exactement les bons mots pour mettre ça sur papier. Objectif, est-ce que c'est, recherche de la perfection? Est-ce que c'est le jardin merveilleux dans le sens concret du terme, à Saint-Gouston? Enfin, c'est très difficile de tout converger en une description. Le troisième point, c'est quels sont les moyens. On pense aux hommes, on pense aux outils, on pense à l'informatique pour aller de l'avant. Le quatrième point, c'est quelle est la méthode qu'on va... Quelle est la méthode applicable qu'on va choisir? Cinquième point, ça c'est très banal, c'est l'espace-temps. Combien de temps est-ce qu'on se donne pour avoir finalisé tous ces points dont je parle? Pour ensuite, le sixième point, c'était la décision. Puisqu'il y a plusieurs personnes, plusieurs courants, finalement il faudrait peut-être trancher. Peut-être pas. J'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, mais donc j'ai pas peur du tout pour cela. Et une fois que la décision du grand cadre a été prise, il y a le côté pratique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va avancer dans l'espace, dans le temps, avec quelle personne et... Et là, je reviens, par exemple, avant de prendre la pioche pour, par exemple, travailler dans le jardin merveilleux, il faudrait peut-être tous se rencontrer ou organiser un Zoom pour que tous les nez regardent dans la même direction, tous les visages regardent dans la même direction, pour qu'on ait parfaitement cohérent, qu'on est solidaire, comment dire. Et ensuite... Seulement ensuite, c'est le mode d'emploi qui fait quoi, quand, où, hein. Ça, c'est les questions un peu terre à terre. Mais il y a ce cadre qui me travaille beaucoup, de quoi, les points essentiels, de quoi s'agit-il, quel est le but. Et c'est en fait le but, ça, c'est la question la plus, à mon avis, difficile à définir. Bon, ça c'est le schéma classique. Pour chaque problème, on peut l'utiliser, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle, ou comme par exemple à l'armée, où on a beaucoup ces schémas très méthodiques. Pour chaque circonstance, quand il y a des problèmes ou des choses dont ils doivent s'occuper, c'est aussi à tous les niveaux, au niveau de l'État, des fonctionnaires, du Covid. C'est un schéma qui est très, très utile puisque ça permet de ne pas oublier des points essentiels dans la démarche. Alors, pour être très honnête, je n'ai pas vraiment encore commencé à définir. Je voulais juste vous soumettre cette... Oui, j'espère que ça ne vous tire pas vers le bas, mais c'est quelque chose de très pragmatique qui nous permettra ensuite d'avancer, comme Philippe d'ailleurs l'a déjà fait, et toi Claude, d'une façon structurée. C'est naturellement le contraire de ces récits d'un pèlerin russe qui sont à un tout autre niveau. C'est plutôt l'aspiration, la foi, la restauration de l'âme pour la ressemblance divine. Ça, c'est le tout grand cadre, n'est-ce pas? Alors, je suis là... encore à me battre sur comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce mode d'emploi qui est en fait le bout, la fin de toute une réflexion qu'on devrait avoir préalablement. Bien reçu. Voilà en fait. C'est très terre à terre, je suis désolé, je souhaiterais presque parler de plus belles choses, mais c'est méthodique. Alors, vous qui avez tous les deux eu des responsabilités, ce sont des schémas classiques et qui facilitent l'avancement dans la chose. Alors, je trouve ça intéressant, parce que c'est un vaste programme que tu nous proposes. Et à travers lequel, eh bien, tu nous ramènes un petit peu sur le plancher des vaches, et à travers lequel, eh bien, parce que c'est un débat que nous avons déjà eu avec Philippe, où l'opératif dont tu viens de nous parler et le spéculatif dont on a déjà fait état, eh bien, doivent se rejoindre. Et je pense que le bon avancement passe par une bonne conjugaison des deux. C'est dans un esprit bien fait que nous pouvons avancer. Alors, à partir de là, moi, ça me va bien. Moi, ça me va bien. Quelques petites divergences que j'ai avec toi. Non pas sur la méthode, puisque la méthode, comme tu dis, elle est bien classique, c'est des méthodes assumées hier et encore maintenant dans les entreprises. Hein. Mais il y a une chose qui me gêne dans ce que tu dis, c'est que tu dis « j'ai du mal à définir le but ». Il est difficile de trouver... les bons mots pour définir ce but. En ce qui concerne le quoi, tu n'as pas de souci. En ce qui concerne les moyens, il n'y a pas de souci. La méthode en elle-même, elle est éprouvée, pas de souci. Définition dans l'espace-temps, ça me paraît être un point sur lequel, effectivement, il faut qu'on s'attarde. Mais moi, je voudrais rebondir sur tout ça. Et dire à Philippe que effectivement profitons de la venue de Rodrigue pour retomber un petit peu dans l'opératif et de revenir à ce jardin qui ne nous émerveille pas encore, mais il est là pour ça quand même, hein, pour nous émerveiller. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce but pour qu'on soit effectivement bien en ligne tous les trois et avancer dans la bonne direction pour construire, d'abord ouvrir, construire un jardin dans lequel eh bien, tout le monde se retrouve. Chacun à son niveau. Chacun en fonction de sa propre sensibilité. Alors, Philippe, moi, j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu, par rapport aux propos de Roderick, que tu nous donnes un petit peu ta sensibilité et comment tu vois les choses. Alors, de mon côté, pour avoir fait beaucoup de projets, le schéma classique, je l'ai usé de fond en comble, ce genre de choses, avec les plannings, les réunions qui permettent de mieux définir d'objectifs, etc. Et en fait, c'est pas pour ça que je suis parti à la retraite. c'est pas pour refaire la même chose. Et du coup, je me suis posé la question. En fait, il s'agit pas d'une envie parmi d'autres, hein, le jardin merveilleux. C'est un appel. C'est un appel que je ressens. C'est pas une envie. Et c'est un peu le. Je dirais un peu, c'est la réponse au mode d'emploi. Et cet appel, en fait, m'a fait penser à plusieurs passages bibliques, où le passage qui est très partagé par dans trois évangiles déjà, 3 sur 4, c'est la réponse de Jésus : si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et me suive. Voilà, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Il y a eu énormément de commentaires sur ce truc-là, chacun interprétant ce que veut dire prendre sa croix et renoncer à lui-même. On retrouve un peu cette indication aussi dans ce que tu citais déjà plusieurs fois, Claude, la djihad donc des musulmans, à savoir c'est aussi à l'intérieur que l'on commence, renoncer à soi-même. Et puis lorsque Pierre en fait commence à discuter ce que certaines choses que Jésus annonce, il dit à Pierre : tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors les vues des hommes, j'ai 63 ans de vues des hommes maintenant, et je vous dirai autre chose. Je suis aspiré à autre chose. Et donc, c'est ça. C'est le terme mode d'emploi, c'est quelque chose qui, pour moi, est typiquement humain, typiquement même technologique, 19e, 20e siècle, 21e siècle. C'est ce que l'on donne avec tous les meubles qu'on a à construire, le mode d'emploi. Et maintenant, comme on ne sait plus lire, on fait même des petits dessins. Il n'y a plus que des dessins maintenant, on n'écrit plus rien. Et je trouve que c'est même plus le plancher des vaches, comme diraient les environnementaux, les écologistes. Là, on est vraiment dans le technique. Alors que dans la verdure et dans la vie de tous les jours, et tout ça, c'est pas tout à fait ça qui fonctionne. Et donc, c'est cette aspiration... le terme mode d'emploi me met en fait mal à l'aise, parce que pour moi, il descend même en dessous du plancher des vaches. C'est-à-dire, on en revient à quelque chose que j'ai déjà fait 1000 fois, et c'est pas ça. En fait, c'est pas ça c'est pas ça l'appel. Voilà. Et alors, du coup, je me suis demandé comment faire en sorte qu'on ne vienne pas au jardin merveilleux par envie, parce que c'est beau, les trucs, autant venir au château de Versailles et au jardin de Versailles, c'est très beau aussi, ça existe déjà, c'est pas ça, en fait, le jardin merveilleux. Aller au jardin, c'est ce que je fais ici avec le jardin ouvrier, travailler la terre et tout ça, faire pousser des choses, c'est pas pour autant qu'il est merveilleux. Donc c'est vraiment le côté merveilleux. Et là, ça m'a relancé sur la fameuse peinture de Michel-Ange, avec Adam d'un côté et Dieu de l'autre. Et les deux doigts qui ne se touchent pas. L'un qui, se précipite vers... le Dieu se précipitant vers Adam, et Adam attendant mollement, entendant juste la main et le doigt, qu'on vienne le chercher. Et c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est... c'est ce que je ressens, ce truc-là. Comment dire ça, je suis en fait sur deux pistes à la fois. Il y a à la fois la position d'Adam, qui semble être une position très attentiste, à peine, je dirais, à peine volontariste, et puis la demande de Jésus, qui est qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. C'est-à-dire que dans un cas, il faut se lever, il faut en fait nettoyer sa propre façon de penser, prendre en fait ses choses en charge, et pour aller plus loin. Or, ce n'est pas du tout la position d'Adam sur ce dessin-là, sur cette peinture. Donc là, je suis un peu partagé. Là, pour l'instant, je n'ai pas de solution. Par contre, au niveau pratique, si tu veux un aspect pratique, je pense qu'on est sur un cheminement qui est déjà merveilleux, là, parce qu'il enrichit chacun, il permet de discuter et de s'élever. Avant que tout le monde puisse rentrer dans ce cheminement, il y a quand même pas mal de temps. Il y a le fait que chacun est différent. Quand Claude, tu dis « Ah ben, ce que tu viens de dire, ça me convient », puis d'autres, à certains endroits, « ça ne me convient pas », pensons si on était 50. Il faut accompagner les 50 parce que chacun pense de façon différente. Et c'est là que je me suis dit, le mode d'emploi, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait, chacun se situe à un endroit différent. Est-ce que... je sais que si je donne à certains de ma famille un meuble IKEA à monter avec un mode d'emploi, ils seront incapables de le faire, malgré tout. Donc ça, c'est un mode d'emploi mal pensé. Mais il n'empêche que si on veut faire un truc pour tout le monde, il faudra quand même prendre une décision là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'on commence à faire de la discrimination ou qu'on va en laisser sur le côté? Voilà, le terme mode d'emploi m'a mis mal à l'aise. Est-ce que c'est pour ça que j'ai mal dormi? Je ne sais pas. Là, je ne peux pas le dire, mais il me mettait mal à l'aise. J'avais du mal, en fait, à réfléchir là-dessus, parce que, en fait, j'avais l'impression d'être cloué au plancher avec un boulet et une chaîne, disant, voilà, on en revient, en fait, au même point, à savoir, messieurs, mesdames, il faut passer par là, et c'est ce que font toutes les sectes. Il y a, en fait, une progression, vous devez suivre par là, on commence par le petit livre rouge, puis ensuite vous passez devant une commission, et puis voilà. C'était un peu ça qui me gênait. Voilà où j'en suis. Je te comprends pas trop bien. Pour ma part, moi je voudrais abonder dans le sens de Rodrigue. Il a besoin qu'on l'aide à trouver sa voie. Alors, il a appelé ça un mode d'emploi, mais on peut toujours trouver d'autres mots. Mais ce dont il a besoin, c'est d'un accompagnement pour avancer. Voilà. Au même titre que toi, Philippe, dans les premiers temps où nous discutions, toi aussi, tu avais besoin d'un mode d'emploi. Et nous avons tous eu besoin d'un mode d'emploi lorsque on se retrouve un petit peu sur le plancher des vaches à vouloir décoller notre fusée qui nous emmène vers le merveilleux. Alors, je vais revenir, pour reprendre des images, à ce que tu nous disais, Philippe, en nous parlant des modes d'emploi d'IKEA. Alors, on a tous buté effectivement, à monter nos meubles. Mais, si tu remarques bien, IKEA, aujourd'hui, ne dit plus des mots, mais fait des dessins, mais fait des symboles. Et le symbole est le moyen qui permet de faire avancer les hommes dans toutes les directions, même les plus illustres, même les plus sobres, même les plus sacrés, les symboles sont là pour nous accompagner parce qu'ils n'ont pas besoin de mots pour se définir. C'est chacun de nous qui donnons un sens au symbole. Et le symbole sur lequel nous travaillons en ce moment, c'est celui du jardin merveilleux. Et donc, gardons ça présent en nous, parce que c'est un de nos dénominateurs communs, c'est un outil qui va nous permettre d'avancer ensemble et d'avancer dans la même direction. Voilà un élément qui peut apporter quelques apaisements aux interrogations de Rodrigue. Et je pense que c'est bien qu'il nous pose ces questions, parce que ça va nous amener, nous, à nous mettre nous mettre à sa portée, et comme ça de grandir ensemble, et de grandir vers ce fameux égrégore dont je n'ai de cesse que de vous parler. Parce que l'égrégore, c'est le partage. C'est un grand partage, mais qui se fait en commun, qui se fait au même moment, au même instant. Et ce partage-là, eh bien, c'est celui qui va nous conduire vers le merveilleux. Maintenant, quand tu nous disais que, Philippe, tu avais... Bon, je ne vais pas prendre les choses comme ça. Je vais te dire, Philippe, que tu as charge d'âme. C'est toi qui nous as amenés vers ce jardin merveilleux. Eh bien, c'est à toi à nous guider, à nous ouvrir la route par des voies dans lesquelles toutes tes voies se reconnaissent. Aujourd'hui, on est trois. Mais demain, on peut être cinq, on peut être dix, on peut être vingt. Mais quel sens vas-tu donner à chacun pour qu'ils se reconnaissent dans la démarche, alors qu'ils n'ont pas été préparés à aborder cette démarche? Nous, on a la chance de se retrouver et de prendre le temps et d'échanger ensemble. C'est une chance formidable. Et je pense que cette chance-là, il nous faut la réemployer pour l'adresser aux autres et pour faire grandir ce trois que nous sommes aujourd'hui, cette trinité, sans jeu de mots, cette trinité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour nous permettre d'être quatre, d'être cinq, d'être six. Mais tout ça, ça doit grandir gentiment, ça doit se faire de façon apaisée et dans laquelle chacun trouve son compte. Mais il faut qu'il y ait, entre guillemets, une église dans laquelle chacun trouve son compte. Et pour que chacun trouve son compte, il faut se mettre à la portée du plus humble. Et se mettre à la portée du plus humble, c'est un aller-retour entre ce fameux plancher des vaches opératif vers cette symbiose vers le sacré, vers cette dimension que nous voulons tous atteindre vers laquelle on doit cheminer. Alors, plutôt que de trouver un mode d'emploi, moi je suis d'avis que on se définisse bien un chemin par lequel on veut passer, la façon dont on va s'y prendre pour y passer, la façon dont on va s'y prendre pour accompagner les autres, la façon par une compréhension mutuelle, c'est toute une mécanique là dont je parle qui est encore un peu floue dans ma tête et puis je pense aussi dans la vôtre, mais moi j'attends de vous que on puisse s'éclairer mutuellement pour bien avancer ensemble, pour bien se comprendre et pour être bien. Et pour être bien, bah, il faut que notre Rodrigue, il ait sa forme de mode d'emploi comme tu veux, comme il l'attend. Et comme il l'attend, c'est peut-être pas les mots que nous avons mis derrière, mais plutôt lui donner envie de vivre autour de ces mots, de se grandir et de nous rejoindre. De nous rejoindre pour nous sortir du profane et nous amener vers le sacré. Voilà, je finis mon plaidoyer. J'avoue que mes propos étaient très basiques et pragmatiques, mais Philippe, il faut savoir, peut-être comme toi, c'est peut-être qu'on est dans cette période de début retraite, pas encore tout à fait, etc., qu'il y a beaucoup d'énergie, d'idéalisme, de motivation qui nous pousse vers l'idée du jardin merveilleux. Et, mais avec ça, pour revenir à ce que Claude vient de dire, c'est que dans mon cas, j'ai une famille, j'ai une maison, je dois m'occuper d'autres. Il y a une responsabilité à différents niveaux encore. Et ça, disons, il faut être presque dépouillé de beaucoup de choses et de contacts pour pouvoir avancer. Or, je trouve que ce n'est pas évident. Claude, tu l'as certainement déjà bien réussi. Mais pour laisser des gens ou des activités ou des choses de côté comme ça. On doit garder des bons contacts avec ses enfants, sa famille, mais c'est, comment dire, pour se créer du temps pour l'essentiel, il faut sacrifier aussi. Ça, c'est ma grande difficulté à ce stade pour commencer avec un crayon rouge, regarder où est-ce qu'il faut biffer, mais d'une façon aimable et gentille. Il y a toujours des gens du passé qui veulent reprendre contact ou qui veulent ceci ou que cela. Donc le but, c'est de ne pas de brusquer les gens, mais pour bien avancer, il faut quand même utiliser ce crayon rouge, ce que je trouve pas facile. Pas facile. Alors, si je puis me permettre là, en un mot, Rodrigue, tu te retrouves dans une situation où tu dois mettre en musique tout ton environnement, et je dirais même mieux, tu dois être en harmonie avec tout ton environnement. Et ouais. Notre mission à nous, humains, me semble-t-il, c'est de se mettre en symbiose avec la nature, rentrer en elle, épouser la nature pour la faire sienne et avoir un mariage réussi. Et ce mariage réussi, eh bien, il est de tout mettre en complémentarité, de rassembler tout ce qui est épars. Nous, humains, nous avons une grande mission, c'est de rassembler tout ce qui est épars. Et une fois qu'on a fait ce rassemblement, eh bien, de bien intégrer, de bien comprendre l'environnement dans lequel on est, avec les siens proches, un peu moins proches, avec les voisins, avec les amis, avec cette nature qui nous environne, dans laquelle tout ce petit monde existe, eh bien, c'est notre mission à nous, eh bien, de se fondre là-dedans et d'épouser chacun de ces éléments, de le faire sien, et tu vas voir combien tout se met en place parce que tu auras l'ouverture d'esprit qui va autoriser chacun à prendre la bonne place, à s'y sentir bien et à accompagner cet environnement qui est le nôtre. C'est extrêmement difficile, mais rassemblons ce qui est épars Et là, on va pouvoir avancer, bien comme il faut, me semble-t-il. Claire, Claire. Philippe, toi qui prends tout en note. Oui. Enfin, j'essaye. Hein? J'essaye. Non, non, mais tu arrives bien. Un de ces quatre, tu nous les feras passer. Et je dirais, pour une, je dirais, là-dedans, quand je les relis, le terme qui me vient tout de suite à la tête, c'est un peu bordélique. Mais bon. Bien sûr que c'est bordélique. Mais c'est évident que c'est bordélique. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on rassemble ce qui est épars. Et qu'on mette de l'ordre. Et c'est ça, en fin de compte. Oui, tiens, ça m'amène à une autre réflexion que je vous soumets. Si on regarde les grands ordres qui ont dominé le monde, ces grands ordres qui ont compris les valeurs de leur temps et qui ont influé dans le monde politique, dans le monde religieux, dans le monde économique, etc. Et ce sont ces grands ordres qui ont fait les valeurs sur lesquelles nous nous appuyons aujourd'hui. Quel est le religieux qui ne s'appuie pas sur l'ordre duquel il est issu? Mettons de l'ordre. Voilà, on sera un peu moins bordélique. Mais Philippe, tu es cartésien, je le sais. Et pour ça, il y a un côté, le côté méthodique et logique appelle parfois. Et je suis désolé si mon message est un peu embrouillé ici, mais c'est, je comprends que ce doit être, comme dit Claude, en harmonie et clair. Est clair. Mais c'est un cheminement, c'est un travail, un travail à faire. Oui, c'est en fait, en vous écoutant, bon, il y a des idées qui viennent là-dessus. C'est, et qu'on avait déjà discuté avec Claude, c'est-à-dire, comme il vient de le dire, il faut aller... Comme sur la peinture de Michel-Ange, il faut aller chercher les gens pour les accompagner. Adam, il est encore nonchalamment allongé par terre. En fait, il s'agit qu'il soit debout. Et autant on sent que la main qui se tend vers lui est puissante, autant la sienne est un peu molle. Voilà. Et donc, pour se mettre à la portée de chacun, parce que c'est vraiment du chacun, là-dedans, ben, il faut aller le chercher. Mais par contre, dans toutes ces personnes, quelles que soient d'ailleurs les personnes, il y a des personnes qui... j'ai l'impression que tout le monde est intéressé par un jardin merveilleux, et c'est d'autant plus vrai avec ces contraintes qui se prolonge encore, cette peur qui en fait s'est répandue sur la terre. Tout le monde a cet appel de jardin merveilleux. Mais quel jardin merveilleux? Le jardin, tout le monde sait ce que ça veut dire. Merveilleux, c'est pas forcément le même merveilleux pour tout le monde. D'autant plus si on a été élevé dans cette société, je dirais, des loisirs et du fric, qui fait que même, je dirais, les publicités sont orientées là-dessus. La voiture dont vous avez toujours rêvé, ou bien des trucs comme ça. Comme si, en fait, on ne pouvait avoir que ça comme rêve. Comme rêve, c'était d'ailleurs une discussion que j'ai eue avec une des correspondantes allemandes que j'avais, et que je lui dis, mais pour toi, alors, en fait, le bonheur, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir une maison, une famille, une voiture et un boulot. Alors, c'est là que la discussion, là, j'avais tapé dans le mille. Et elle dit, alors, si tu as tout ça, un jour, ça veut dire que tu es arrivé au bout. Et c'est comme ça qu'on est rentré un peu dans le fond du sujet. Mais à partir du moment où on rentre dans le fond du sujet, ici, entre nous, on arrive à le faire. Mais j'ai ressenti très vite des blocages parce qu'en fait, on commence à rentrer dans des choix, dans une certaine intimité, en fait, là-dedans. On n'est plus dans le politiquement correct, c'est-à-dire, c'est ce qu'on nous dit hein, au niveau gouvernemental, il faut bosser, il faut gagner de l'argent, il faut le dépenser, et puis quand vous êtes vieux, vous allez dans un EHPAD, ouais. La voie est toute tracée. Et on a l'impression qu'en fait, on ne peut pas y échapper à ce genre de choses. Et c'est là qu'à mon avis, prend tout son sens l'invitation de Jésus, qui renonce à lui-même, qui se libérer de sa façon de penser. Et se libérer de cette façon de penser dans notre société actuelle, sachant qu'on est en plein dedans et qu'on vit en plein dedans, on est comme dans la piscine, quoi. C'est-à-dire que même quand on a envie, on est quand même dans la piscine. On a envie d'en sortir, mais on est quand même dans la piscine. Comment faire ? Et en fait, la grosse question sur laquelle je vais réfléchir d'ici 2021, c'est comment faire pour que le jardin merveilleux ait une réalité qui, rien qu'en le voyant, donne envie de mettre en marche. Ah, on voit Maïke derrière. Bonjour Maïke. Bonjour. Et Claude. Oui, pardon. Bonjour. J'ai la chance de recevoir une tasse de thé. Ah, c'est bien. Non, elle n'est pas là, elle est au travail. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'invitation. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qu'attend Claude. Il a ce fameux jardin qui devrait devenir merveilleux juste en face des yeux. Et pour l'instant, il n'est toujours pas merveilleux. Voilà. Donc. Et je pense que Michaela est aussi dans ce cas-là. On aimerait bien le voir plus merveilleux qu'il ne l'est actuellement. Voilà. Alors, est-ce que ça suffira de faire un jardin versaillais sur place pour attirer, et à ce moment-là, on aura des touristes ? Et en fait, ce jardin doit interpeller autrement que par le tourisme. Il doit interpeller parce que tout d'un coup, on entre dans autre chose que ce que en fait on nous assène tous les jours sur ce qu'on doit être, voilà. Et pour moi c'est une grosse question, c'est celle qu'en fait me tarabuste de la nuit. En gros c'est ça. Hein. C'est quand je dors pas, en fait je médite là-dessus et je cherche des solutions et mais en même temps, quand on voit la voie justement que préconise Jésus là-dedans, et renoncer à lui-même, les disciples qui ont tout quitté, famille et tout ça, les pêcheurs qui l'ont suivi, voilà, j'ai tout laissé pour toi, voilà. Il y a un petit passage qui est dans la Bible qui est comme ça. C'est vrai que je me sens pas de laisser, je vais pas laisser Sylvie moi derrière en disant voilà, il y a quand même des choses qui sont écrites, mais que l'on peut discuter, là-dedans. D'autant plus que je sais et elle le sait aussi que Sylvie elle a été choisie, mais c'est pas moi qui l'ai choisie, c'est-à-dire qu'elle m'a été désignée et c'est ce qui fait que je n'ai pas choisi, comment dire ça, intimement, la plus belle ou la plus désirable ou la plus, etc. C'était elle qui, en fait, m'était promise et voilà. Donc, il y a quelque chose. D'ailleurs, quand on s'est mariés, autant je peux vous le dire, on avait deux témoins. On avait un témoin homme et on a pris le Christ comme témoin. Au milieu, on a invoqué le Christ comme deuxième témoin devant tout le monde, au niveau de la cérémonie. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Voilà, alors moi je pense que là-dedans, au niveau du jardin merveilleux, c'est... il peut déjà devenir quelque chose de très chouette pour commencer à interpeller. rien que sa situation. En face, toi, Claude, tu l'as sur la totalité, mais c'est vrai que quand on est au pied, comme je disais, ben, on ne voit rien. On verra juste l'entrée, parce qu'avant l'entrée, ce n'est que de la falaise. Et par-dessus, on ne verra qu'une partie. Là, il y a des choses qui peuvent être déjà créées. Et d'ailleurs, j'ai eu une conversation hier avec Stéphane, qui m'a toujours donné un coup de main sur le terrain pour débroussailler, planter et tout ça. Et lui, il est monté d'un cran en disant « Bon, on va passer à l'action, il faut faire quelque chose. » Et donc, il s'est proposé de faire plus, de faire le plan en 3D, enfin des trucs que j'osais même pas lui demander, parce que je ne savais pas où est-ce qu'il en était. Mais petit à petit, en fait, il rentre dans la danse, mais pas à notre façon. C'est pas un discutant. Alors, si vous me permettez, moi, je vais vous proposer une piste. Tu viens de dire, Philippe, que ce qui est important maintenant, c'est que Adam se lève et se mette en marche. Eh bien, comme Adam, quittons cette position allongée pour nous lever et nous mettre en marche. Alors, tu viens de parler du jardin, etc. Et moi, je pense qu'il y a un moyen de rendre ce jardin un petit peu plus opératif, de façon à, malgré tout, intriguer ceux qui passent devant et les inviter à rentrer. Et tout à l'heure, nous parlions des symboles d'IKEA, mais moi, j'élargissais ça aux symboles qui nous amènent à discuter aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait, par des codes symboliques, donner envie à ceux qui passent devant le jardin, eh bien, de se poser des questions et d'ouvrir leur curiosité pour y rentrer. Non pas pour y trouver Versailles, on n'y arrivera jamais, et puis c'est pas le but, mais pour trouver quelque chose dans lequel ils se sentent bien, dans lequel il y ait la paix, une paix qui les amène à une paix intérieure, et dans lequel ils se sentent bien, et dans lequel ils ont envie de revenir. À mon sens, voilà une direction assez à la fois opérationnelle, mais à la fois symbolique, qui permettrait à tout un chacun eh bien, de s'arrêter devant les portes ou la porte de ce jardin, et d'y rentrer pour y trouver un instant de sérénité. Je sais pas, c'est une piste hein, que je vous propose et sur laquelle je pense qu'on peut trouver très facilement quelque chose dans lequel on se reconnaisse et dans lequel on puisse être reconnu par nos congénères. Parce que c'est pas tout de se reconnaître à trois, c'est être reconnu par tout le monde. Non, mais c'est très bien. En fait, tu rejoins Stéphane, parce que lui, il dit, maintenant, il faudrait mettre des... Il faut avoir une base de travail. Alors, lui, il dit la base 3D, parce que du coup, on voit à quoi ça ressemble, déjà, dans l'ensemble. Et puis, sur cette base, commencer à interpeller en faisant des... Mais on en avait déjà discuté, d'ailleurs, au printemps dernier avec lui, à mettre, faire des panneaux qui sont à l'entrée et disant... Qu'est-ce que ça pourrait être, donnant comme déjà des pistes pour tout un chacun qui passe et qui s'arrête. En tout cas, ça, c'est en haut. Par contre, en bas, je pense que la chose qui intriguera le plus, c'est la porte. C'est une nouvelle porte. Et comme on a déjà défini à peu près l'entrée, par où on passait, là, il y a peut-être quelque chose à préparer. Parce que autant sur les falaises, bon, on peut faire pendre des choses, on peut suspendre des choses, justement, autant à l'extrême, commencer déjà à l'extrême nord-ouest, nord-ouest, c'est ça. C'est là qu'on voulait faire la porte et l'escalier pour pouvoir commencer à s'élever. Voilà. Alors c'est vrai que j'avais quelques propositions de gens locaux à un moment de travailler sur la porte. Et puis Stéphane qui propose de travailler sur justement ces pistes qui interpelleraient ceux qui passent. Et en plus, comme Roderick a évoqué l'espace-temps, on a une date qui est la date de la grande lessive. J'aime bien le terme, là, d'ailleurs, la grande lessive. Si on pouvait tout nettoyer, ça serait bien quand même. La grande lessive, qui est en fait sur le thème « Les jardins suspendus ». Alors, la grande lessive est quelque chose qu'on connaît bien, Michaela et moi, parce qu'on y participe depuis 4 ans. Depuis 4 ans. On y participe à côté de Quiberon, là où nous avons notre maison, et où nous allons sur les fils qui sont... qui sont mis à notre disposition, y poser des photos. Alors nous, on appartient à un club de photos et on y pose des photos. On y suspend des photos. Par contre, ce qui nous intéresse le plus dans cette grande lessive, c'est pas nous posant des photos, c'est nous prenant en photo tous ces gamins qui viennent et qui amènent leurs dessins avec leur école et qui suspendent leurs dessins qu'ils ont fait avec leur maître ou leur maîtresse. Et où on voit le merveilleux naître dans les yeux de ces enfants qui viennent suspendre leur œuvre. Et ça c'est intéressant. Voilà. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut que le jardin soit ouvert. Il faut qu'il soit sécurisé, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Il faut y suspendre des fils pour que chacun vienne y mettre son truc. Il faut avoir fait une communication au préalable pour que les gens viennent au jour J pendre leur dessin ou leur œuvre. Il y a toute une petite organisation à mettre en place, avec la presse locale, avec... la maison des jeunes, avec etc. Il y a un peu de boulot là aussi. Oui, ceci étant, moi j'ai lu le texte de la grande lessive. Si ce n'était que suspendre des dessins, c'est sûr que là tu rentres avec les fils tendus et tout ça. Mais en fait, il n'y a pas que ça dans la grande lessive. Et c'est pour ça que dans la grande lessive, on peut faire rentrer aussi des maquettes et des présentations qui sont sur le sujet en fait qui a été choisi. Et c'est vrai que notre terrain se prête tout à fait à faire des choses suspendues. Donc en fait, on n'a pas besoin les contraintes disant il faut ouvrir le terrain, il faut le sécuriser et tout ça. Par-dessus, en fait, on a une bonne vision de pas mal d'endroits, pas tout à la fois, mais de pas mal d'endroits, qui permettrait de mettre des choses visibles depuis la rue Neuve. Et à mon avis, là, il y a de quoi faire. En dessous, le fameux parler de pont suspendu au-dessus de la grotte, ça peut se voir du bas. Par contre, du haut, on ne le voit pas. On risque de ne pas le voir, parce que le dénivelé est trop important. Mais il y a des choses à faire. Ce n'est pas que des suspentes de photos et de dessins. La grande lessive, c'est... C'est des fils à linge pour y suspendre ce que l'on a envie. Mais on peut faire plein de choses. Hein. On peut faire plein de choses dans ce domaine. Mais je reviens à ce que tu nous disais tout à l'heure et à ce qu'on se disait tout à l'heure et à la nécessité d'être vu, d'intriguer et de faire en sorte que les gens passent la porte. Alors déjà, si tu mets une porte, ça peut coincer un peu. Ça peut coincer un peu parce que faut qu'ils la poussent, cette porte. Et pour la pousser, il faut être dans un certain état d'esprit. Est-ce qu'on est capable de demander au Kidam de pousser une porte pour venir sur le jardin? Question. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt intéressant de créer une sorte de rite de passage où on franchit une sorte de portique et derrière ce portique, eh bien, le Kidam est amené à se métamorphoser pour accéder jusqu'au jardin et au merveilleux au bout du bout. Oui, on peut, en fait, on peut, voilà, on peut imaginer déjà une première pierre, en fait. C'est une première pierre, ça. Quand tu dis franchir la porte pour aller sur le jardin, ça, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, parce que pour l'instant, c'est vrai que la porte, elle est en haut. Elle est défoncée. Le jardin n'est pas sécurisé. Si on passe son temps et son fric à sécuriser le jardin, je ne sais pas si c'est ça le but. Par contre, ce jardin, il est visible. Il peut intriguer. Être vu et intrigué, oui. Mettre des panneaux qui interpellent, oui. Quand on parle de porte en bas, la porte, si on met une porte, on mettra une entrée, mais une entrée qui n'est pas encore ouverte. Puisque, en fait, il n'y a rien qui est fait derrière. On va s'imaginer qu'on va construire déjà des choses sur le terrain maintenant. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs avec quels sous. Hein. Mais c'est vrai que les maîtres mots, c'est vraiment ça. C'est maintenant, il faut être vu et intrigué. Alors, être vu, eh bien, c'est cette lumière qui est au bout de notre chemin. Pour voir, il faut de la lumière. Si tu n'as pas de lumière, tu restes dans l'ombre, tu restes dans le noir. Et notre mission à nous, eh bien, c'est de faire un tunnel, et au bout du tunnel, eh bien, de pouvoir accéder à la lumière. C'est faire un tunnel ou bien on est déjà dans le tunnel? Bah, t'y es pas forcément. Si t'y es pas rentré dedans, t'y es pas. Tu peux être dans les... Dans quoi tu peux être Je pense que d'être dans le tunnel, c'est démarrer le cheminement. Et démarrer le cheminement, c'est d'être quelque chose de conscient. Où là, tel Adam, on va se lever pour marcher. Mais avant le tunnel, on n'est rien. On n'est pas grand-chose, puisqu'on ne sait même pas dans quelle direction on doit aller. D'abord, on ne se pose même pas le problème de choisir une direction. On est à errer. Un peu comme les chevaliers au Moyen-Âge, il faudrait qu'on en reparle de ça. Un peu comme ces chevaliers au Moyen-Âge qui erraient en attente d'aventure, en attente de rencontrer la dame de leur cœur, mais ils erraient. Ils n'attendaient rien. Ils n'étaient pas encore dans le tunnel. Tu rentres dans le tunnel lorsque tu as l'espoir de trouver la lumière au bout. Si un tunnel sans lumière, c'est comme de la lumière sans tunnel, quoi. Bon, c'est inaccessible à personne. Ça me fait penser juste à une chose qui m'a beaucoup intéressé. C'était il y a une vingtaine d'années, la ville de Genève voulait que les gens regardent un peu plus les beaux bâtiments et tout ce qu'il y avait de beau à Genève. Et on a donné un mandat à un artiste. Et ce qu'il a fait, c'était un petit escalier en bois comme ça de 3 ou peut-être même 4 marches. Et ensuite, il y avait un genre de cadre par lequel il devait regarder. Et évidemment, là, on voyait un beau bâtiment, une belle église ou je ne sais pas quoi. Mais je pourrais m'imaginer que les gens, avant d'entrer dans ce tunnel, voudraient bien pouvoir regarder dans le jardin et pourrait faire quelques marches, et où juste le cadre détermine un peu dans quelle direction il faudrait regarder. Et on pourrait montrer la plus belle partie du jardin merveilleux. Enfin, c'est quelque chose de très pratique, mais beaucoup de gens étaient très intrigués, je me souviens. Ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puisque rien n'était décrit et expliqué, les gens montaient sur cet escalier, un tout petit escalier de, je crois que c'était la hauteur, c'était un mètre comme ça. Ils regardaient, ils voyaient, ils regardaient, et puis ils étaient tout enthousiastes, ils ne savaient pas très bien pourquoi, mais ça a beaucoup intrigué les gens, ça. Je devrais pouvoir voir s'ils ont encore ces escaliers quelque part dans une cave. Mais tu te rends bien compte, Roderick, que pour accéder au cadre, il fallait s'élever, monter trois marches. À chaque fois, dans tout processus initiatique, il y a toujours des marches à franchir. Il y a toujours des portes à passer, des marches à franchir. Les éléments de notre nature à épouser, à faire sien, et qui permettent notre mariage, dont je vous parlais tout à l'heure, dans notre mariage avec notre environnement. Eh bien, à chaque fois, c'est des choses se passent comme ça. C'est pour ça que le jour où Philippe a commencé à nous dire, voilà, que la future entrée du jardin, elle était en bas, et que pour une fois que tu es en bas, eh ben, il y aura des marches sans doute à franchir. Je pense que là, on est déjà on est dans le tunnel, quoi. Ben oui, c'est ça, notre tunnel. Et ça permet aux personnes de prendre une toute petite initiative, c'est de faire ces quelques pas. Exactement. Et il y a aussi un autre élément qui me paraît important, si on veut respecter les grands rituels de l'humanité, eh bien, c'est que ces marches, elles soient accompagnées de purification. Il faut, me semble-t-il, que celui qui veut aller à la conquête du merveilleux, y aille l'esprit et le cœur pur. C'est comme ça que tous les preux chevaliers de la table ronde ont été à la recherche du Graal. Mais le seul qui l'ait trouvé, c'est Perceval, et parce que, en fin de compte, c'était le seul à avoir le cœur pur. Et donc, comment s'était-il purifié? Voilà un cheminement qui me paraît intéressant. Hein, oui. Mais Roderick, on tourne toujours autour du même truc, quoi. On est toujours dans la même démarche qui procède toujours et encore de ces mêmes cheminements, de ces mêmes errances, de ces mêmes purifications, de ces mêmes... tout ce que je vous dis, ça procède toujours à peu près pareil, quoi. Voilà. En tout cas, on a des... Des pistes. Je pense qu'on a des pistes qui sont intéressantes à... Moi, en tout cas, ça me fait chimiquer, ça. Je ne sais pas si je vais encore dormir correctement la nuit prochaine, mais... Mais l'idée de... il y a le temps, mois de mars, 25 mars, je crois, la grande lessive. Il y a l'interpellation, il faut que ça soit... J'aime pas le terme intrigant. Il faut que ça intrigue, mais les intrigants, c'est autre chose. La curiosité. Les bons termes. Oui. Aiguiser la curiosité, faire en sorte qu'il y ait quelques marches à franchir et des questions au bout qui posent des bonnes questions, en fait, qui touchent aussi à la question de la purification. Je pense de toute façon qu'on a 3 mois devant nous, donc il ne faut pas non plus se leurrer sur la façon de... sur la réalisabilité des choses, mais trouver quelque chose qui interpelle, je pense qu'on est capable de le faire. Et on ne va pas être seul, parce que c'est quelque chose qui va intéresser Daniel, d'ailleurs Daniel Martin, qui va intéresser Sylvie, à mon avis, elle va mordre dedans à plein. Stéphane, il va être en plein dedans aussi. Ça va, ça va être bien, ça. Il y a quoi faire. Et la purification ? Pardon ? Et la purification ? Oh ben, elle nous est donnée déjà. On a déjà l'hydrogel. Déjà pour rentrer par la porte, on demandera à se rincer les mains à l'hydrogel. Non, idéalement, il faudrait une petite source quelque part. Mais bon. Mais il y a. Mais elle y est, la source. Voilà. Mais bien sûr que nous avons une source. Et voilà où je voulais que Philippe nous amène. Oui, oui. Et ça passe par là. Ça passe par l'eau. Et la purification, il y a 3 façons de se purifier. Par l'eau, par l'air et par le feu. Oui. Pour encore alimenter ton moulin. Mmh. Oui, on l'a déjà. Hein. C'est déjà ça fait la question de la purification avec cette source qui est en bas, justement, elle est en bas. Ben, elle est faite pour ça, en fait. Puisque il faut commencer à se purifier avant de rentrer et de commencer à s'élever. Donc, il y a déjà une volonté de la personne de se purifier, donc de se laver les mains. Et déjà, en se lavant les mains avec l'eau qui sort du jardin, c'est déjà très symbolique avant de rentrer. Magnifique. Bon. Donc, on a de quoi faire. On a de quoi faire. Ouais. Bon, il y aura peut-être quelqu'un qui nous dira « Écoutez, vous avez fait analyser l'eau, vous ne savez pas si elle n'est pas... Mais... Vous l'avez avec quoi, là ?» C'est de l'eau potable. Oui, c'est ça. Mais si on met... Si on mettait en fait un réservoir en bas, enfin plutôt une bassine avec de l'eau qui tombe dedans, immanquablement, il y a des gens qui jetteraient des pièces dedans. C'est les questions. Bon. Oh là là. Mais c'est vrai qu'il faut. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est de l'eau qui ne fait que passer. Elle s'en va directement à la rivière. Il n'y a rien qui la récupère. J'aimerais bien qu'à un moment. En fait, on arrive à trouver quelque chose, une vasque en pierre, quelque chose comme ça, que l'on puisse mettre en dessous. Bon. Je dis, je touche du bois. Les choses sont dites. Le Seigneur m'entend. C'est très symbolique, tout ça. Ouais. Et je pense que là, on peut faire, là, dans les 3 prochains mois, on peut faire mouche, on peut faire quelque chose, là. Bon, on est dans la lumière de Noël, ça va nous éclairer tout ça. Ah oui, alors. Wow. Fais appel à Jean et à son évangile. Ah, tu l'aimes bien l'évangile de Jean, hein ? Ah oui, parce que pour moi, c'est un des plus inspirants. Oui. C'est un des plus inspirants. Et nous qui cherchons la lumière, eh bien, avec lui, on peut cheminer à ses côtés pour la trouver. C'est-à-dire qu'en fait, il a été écrit plus tard que les autres, et on ne sait pas si c'est d'ailleurs... Jean n'était pas forcément comme c'était 200 après J.C., donc c'est pas forcément quelqu'un qui était au moment disciple. Non. On s'est posé la question, normalement, c'était pas le disciple. Mais du coup, c'est quelqu'un qui a pu réfléchir sur tout ce qui se transmettait déjà de bouche à oreille depuis et faire quelque chose de très construit et pédagogique. Oui, exact. Oui. Ah. Ça vous va comme ça ? Ouais. En tout cas, là, Je suis relancé, là, je suis relancé. Pourquoi t'étais arrêté? On n'avait pas compris ça. Ah non, mais j'étais fatigué. J'étais fatigué, mais tu vois... Non. Comme j'ai pas très bien dormi, mais j'ai été surtout embêté par le terme « mode d'emploi ». Oui, je suis désolé pour ça, Philippe. Ne sois pas désolé du tout, Rodrigue. Non, non. Regarde, c'est grâce à toi qu'on avance. Voilà. C'est grâce... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est grâce à toi qu'on avance, parce que il y a en toi, si tu veux, la genèse de beaucoup de choses. Il y a en toi un peu tel l'enfant qui vient de naître, t'as pas d'a priori, et puis quand t'en as, on en parle, tu as envie d'avancer, tu sais pas bien par quel bout avancer, et c'est pour ça que tu as besoin d'une ligne de conduite, tu as besoin d'une ligne, pas de conduite, d'une ligne directrice dans laquelle tu te sens bien et dans laquelle et avec laquelle tu pourras, on pourra tous s'accompagner. Et ça, je pense que ça, c'est l'élément important. Maintenant, sur le terrain, dans le jardin, eh bien, il faudra profiter de. Dans le sens noble du terme, de ceux qui voudront bien, à leur façon avancer, mais il faudra leur donner une ligne directrice. Il faudra les mettre, sans même forcément qu'ils le sachent ou qu'ils le comprennent, dans l'axe qu'ils rentrent dans ce tunnel au bout duquel ils doivent trouver la lumière. Mais la lumière des uns n'est pas la lumière des autres. La lumière de Stéphane, notre homme de l'opératif, le manuel, celui qui a besoin de mettre les mains dans la glaise, eh bien, c'est lui qui forge, qui va donner un sens à tout ça. Et ça, c'est ça le message à lui faire passer, Philippe. Il l'a déjà, comme on a discuté hier là-dessus, comme il s'est mis sur Dropbox Paper, chaque fois que je modifie quelque chose, il est averti, comme moi je suis averti que je modifie des choses 24 heures après, et donc il va voir. Et donc il est très intéressé par cette avance symbolique qu'on travaille actuellement là-dessus. C'est-à-dire que il est rassuré de savoir qu'en fait, ça aura du sens, que ce qu'on va faire va avoir du sens, que ce n'est pas uniquement « je plante des patates pour récolter et manger chez moi ». Quoi. Et ça, ça l'intéresse beaucoup. Là, il a fait depuis que je l'ai connu, il a fait un énorme pas là-dessus, sur la réflexion et sur le fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui ait du sens sur place. Que ce n'est pas uniquement un jardin partagé comme on peut en avoir partout. Quoi. Donc, il est dedans, il nous rejoint. Daniel aussi, de cette façon-là. Bon, moi, je ne la sens pas pour l'instant dans le groupe parce qu'elle est encore trop bavarde. On a du mal à en caser une avec elle. Il y en a d'autres qui sont comme ça. Hein, mais... Donc, en fait, il faut d'abord passer une heure à l'écouter pour commencer à discuter. Donc, c'est ça, hein. Mais c'est vrai que par Skype, lorsqu'on est un peu limité dans le temps, c'est difficile. Ouais. Bon, on a de la piste, là. Hein. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est là-dedans, comme ça va être difficile d'ici 2021 de se réunir. Alors, on peut éventuellement poser un truc de principe. Il faut qu'on ait une date. Voilà. Ça, c'est important. Sinon, on ne se retrouve pas. On ne prend pas de date aujourd'hui, on n'en a pas pour demain. Alors, de principe, la semaine où il y a le 25 décembre, moi, je suis complètement dans la famille. Donc, pas du tout disponible. Raisonnons à partir du mois de janvier, du 4 janvier, alors, 5, 6. Il y a la semaine du 28 décembre au 1er janvier. Là, je suis de retour à Strasbourg, donc il y a une possibilité pour moi de me mettre à part pour éventuellement discuter, si ça vous dit. Sans ça, c'est la semaine suivante. Et est-ce que tu n'aimerais pas avoir un peu de temps de réflexion, puisque ces réunions en famille, ça occupe. Oui, mais ça occupe, mais en même temps, tous dans la famille savent ce projet de jardin merveilleux. Donc je peux les interroger, et ils peuvent apporter de la contribution. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que si vous êtes tous les deux sur Dropbox Paper, eh ben, j'ai fait une feuille réflexion, méditation, etc. Je vais pouvoir l'enrichir, comme vous aussi d'ailleurs, quand vous avez des choses et que vous ne voulez pas les oublier, vous pouvez éventuellement mettre des choses dessus. Et ces choses-là seront vues aussi par Stéphane, puisqu'il est dessus. Il me semblait qu'il y avait un ou deux encore qui étaient dessus, mais en fait qui ne se manifestent pas trop. Mais cette feuille, tu nous as mis en tant que destinataire, en partage ? Ah oui, bien sûr. Oui. Oui, c'est toi qui as créé le site. Justement, c'est pour ça, parce que je ne l'ai pas vu. Mais je sais bien que c'est moi. Bon, Dropbox Méditation, ça s'appelle. Alors, tu vas voir. Je vais sur Paper. Where is Paper? Ah, je ne suis pas sur le bon. C'est vrai qu'il fallait que je sois sur Chrome. Ah là là. Bon. Alors, on ferme ça. Déconnexion ici. Voilà. Et il faut que je passe par Chrome parce qu'en fait, Paper ne marche pas avec Firefox. C'est casse-pied. Voilà. Dropbox Paper. Ah oui, Chrome, c'est... Ouais. Jardin merveilleux, j'ouvre. Alors, c'est le chapitre 6, discussion, réflexion, méditation. Il y a 15 membres dessus, dont vous êtes. D'accord. Je vais sur partager. D'accord. Je vais voir si vous êtes dedans. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Non, en fait, il est dans l'ensemble. En fait, tu as partagé avec. Le jardin merveilleux en fait est partagé déjà avec vous, donc normalement vous devriez et en fait dedans il y a, alors je sais pas si vous le recevez à chaque fois, il y a on accepte ou on n'accepte pas les notifications chaque fois qu'il y a quelque chose qui est changé. Ouais. Mais moi j'accepte, mais j'ai pas souvenance d'avoir vu quelque chose sur la méditation, mais ça peut m'échapper parce que pour moi aussi ça peut m'échapper, mais on va aller voir ça, chapitre 6. Voilà. Moi, j'ai mis. Hein. Bah oui, d'autant plus que c'est Claude, c'est toi qui as mis la photo où on voit toutes les ombres avec les têtes qui, les neurones qui sont liés les uns aux autres. D'accord. Voilà. Bon, écoute, on ira voir. D'ailleurs, et en plus, c'est toi qui l'as changé. Groupe de discussion en construction du jardin merveilleux intérieur, et tu as rajouté support du jardin merveilleux extérieur. Bon, alors voilà. Eh bien, écoute, je vais aller voir. Mais alors, outre une date, alors on n'a pas défini de date, et puis un thème de travail, il nous faut un thème de travail, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va devenir ? Eh bien, c'est ça. Bon, alors, du coup, c'est ça que je vous propose, c'est attirer l'attention. Interpeller, voilà. Les signes d'interpellation sur le jardin à Saint-Goustan. Ou moyen d'interpellation sur le jardin à Saint-Goustan. Je préférerais les Donc, signes. Je préfère les signes, voilà. Signes, interpellation. Interpellation. Alors, signes d'interpellation. Donc, à concevoir pour le jardin à Saint-Goustan. Ah, mais alors, c'est plus pareil, là, à concevoir. C'est des signes ou des symboles ? C'est pas pareil. Tu préfères les symboles ? Et c'est plus ouvert. Oui. Bon, ceci étant, on vient d'en parler, hein, les symboles, le se laver les mains à la source. Y a c'est pour ça que... Oui, on vient d'en parler, mais... je sais pas, c'est... Définis, puisque tu souhaites définir quelque chose dans cette voie-là, définis, moi je... Moi je m'y signe. D'accord. Mais il y en a certains qui pourront très bien mettre signe symbolique d'interpellation pour le jardin merveilleux, pour le jardin... On est bien d'accord là qu'on est dans de l'opératif et pas du spéculatif. Tout à fait, c'est de l'opératif. C'est-à-dire qu'en fait, on va se fonder sur tout ce que nous avons échangé jusqu'à présent avec justement les... lorsque il faut absolument que je fasse... Et je vais le faire demain, ça, parce que j'ai 5 heures de train pour aller retourner vers Clisson, de mettre un peu d'ordre dans mes notes pour vous les envoyer, parce qu'il y a pas mal de choses dedans qui peuvent aider, sans avoir forcément à repasser en revue tous les podcasts. Quoi. Oui. Est-ce que tu as une date à proposer, Philippe ? Est-ce que le jeudi... Alors, c'est quoi le jeudi ? C'est le 31 ? Ah, ça va pas aller le 31, c'est vrai que c'est la veille. Le 29, mardi 29 par exemple. Oui, ça, pour moi ça va très bien. Et Claude ? Écoute, ça va. Tu préfères le mercredi ? Non. Non, on va laisser le mardi 29 à 15h. Est-ce que 15h ça vous va toujours ? Ou bien vous préférez plus ? Oui. Tout à fait, ouais. Bon, on pourra peut-être avancer avec la lumière, là, un peu plus tard. Ah oui. Et reculer notre heure. Ah oui, oui. Oui, on est encore dans les jours les plus courts, là. Enfin, dans les... Voilà. Donc, 15 heures aujourd'hui, ça va, mais plus on va avancer, plus ça va être... Bon, tu seras réveillé, Claude. Comme tu dis que tu dors le jour et que tu te lèves la nuit. J'ai pas dit ça. J'ai dit que je me levais et que je m'endors quand tu te lèves. C'est... par contre, j'aimerais bien que tu nous envoies le thème de travail tel que tu viens de l'écrire et de le définir. Signe d'interpellation pour le jardin merveilleux à Saint-Goustan. Mmh. Chaque mot, groupe de mots, a son importance. Et c'est pour ça que... Il y a signe, interpellation, jardin merveilleux et Saint-Goustan. Saint-Goustan, c'est les pieds sur le plancher des vaches. Jardin merveilleux, parce qu'il y a merveilleux et que c'est un jardin. Interpellation, parce que ça concerne tout le monde. Et signe, c'est parce qu'en fait, on ne va pas construire du béton. Donc, il faut quelque chose qui... Signe d'interpellation. Oui, signe d'interpellation. D'accord. C'est symbolique d'interpellation. Je n'ai pas mis symbolique, mais si... je sais que, par exemple, si... Je pense que si Stéphane voit ça, c'est mieux de ne pas avoir mis symbolique. Okay. On va voir si, en fait, il va les interpréter tout de suite comme étant devant être symbolique. Ça donne, en fait, ça donne un appel d'air supplémentaire. Voilà. Oui. On peut se faire interpeller par autre chose. Oui. Et l'autre chose, ce n'est pas rien. C'est ce qui permet d'être à la hauteur de tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas du tout dans le symbolique, quasiment pas, ou ils ne s'en rendent pas compte. Donc, de leur expliquer ça, alors, je dirais que c'est aussi une certaine culture, hein, la question du symbole. Oui. Pour certains, peut-être que se laver les mains à la source en bas, s'ils ne voient pas de savon, ils ne vont pas trouver l'intérêt. Quoi. D'autres voudront avoir des pieds propres aussi. Ah oui, ça risque. Sachant qu'au mois de mars, ça pousse. Ça commence à pousser. Hein. Ah oui. la verdure commence à pousser. Je pense qu'il doit rarement geler. Eh bien, si. Si, si, j'ai pris la première fois qu'on est venu avec Sylvie il y a 3 ans, on est repassé dans le secteur, on avait une autre voiture, et sur la voiture, il y a eu l'humidité, en fait, de la mer, et les embruns, en fait, et ça a gelé sur le pare-brise, ça a donné des formes géométriques superbes, absolument superbes. D'ailleurs, je vais vous en envoyer parce que ça m'a vraiment étonné. Ça nous a étonné. Mais ça n'a pas étonné Ophélie, ma première fille, qui est une scientifique monstrueuse, qui m'a dit « Oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Les cristaux s'assemblent et puis ils font des trucs comme ça. Bon. » Bon, très bien. Bon, c'est pour dire qu'il y a des choses qui sont... On passe très souvent à côté de choses qui sont naturelles, mais qui en fait sont très belles. Sont vraiment très très belles. Et qu'on voit de moins en moins parce qu'en fait on a tendance dans notre société à tout uniformiser. C'est un peu ce que j'avais reproché au côté génie civil, à travailler dans le béton. En fait, on fait des matériaux homogènes. Or, dans la nature, ils ne sont pas homogènes. Ils sont ni homogènes, ni isotropes, ni continus. Donc, en fait, on est complètement à côté de la nature. C'était un signe pour moi de dire bon, c'est bien le génie civil, mais ça suffit pas. Bon, les amis, on va se quitter, on va se souhaiter un bon Noël. Ah oui, déjà. Hein ? On va se souhaiter un bon Noël. On va. C'est l'époque où, eh bien, on va commencer à voir la lumière et la renaissance. Oui. Et c'est notre renaissance avec cette lumière qui va nous transmuter. Absolument. Allez, je vous souhaite un très bon Noël, passez de très bonnes fêtes. Encore merci à toi, Rodrigue, pour... Ton petit livre sur ce pèlerin russe que je vais finir de lire pendant ces fêtes et voir si l'hésychasme peut faire partie de ma façon de me marier avec le divin. On va voir. Ouais. Merci, merci à vous deux, on a bien avancé, et puis Claude, tu dois te réjouir que l'on passe maintenant à une phase un peu plus opérationnelle. Ah, pas du tout, pas du tout. Non, je ne me réjouis pas, tant que Rodrigue n'est pas complètement avec nous. Ah bon, t'es pas avec nous, Rodrigue ? Oui, je suis avec vous. Si, mais il faut... Je suis bien, mais il y a encore un peu de travail à faire. Voilà. Je traîne un peu derrière vous, oui, mais j'ai quand même de vous joindre le plus vite possible. Voilà, et je serai complètement à l'aise et complètement rassuré lorsqu'on parlera, qu'on sera bien dans ce même tunnel tous en même temps, quoi. Voilà. Bon, alors on va rentrer dans le tunnel, on va y retrouver la lumière de Noël, et puis peut-être que là, sanctifié, eh bien, on pourra passer une bonne nouvelle année. Bon, allez, je vous laisse. Salut. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. À bientôt.